Mesdames, méfiez-vous de lui. Il est beau, il est jeune, il est gentil. Connaissez-vous sa vie? Un bijou, un cadeau, vous êtes piqué. Il sait comment vous manier, oui, vous parlez. À son charme naturel, vous succombez. Se voiler la face n'est pas permis. Entrer dans son jeu, il faut que t'oublies. Il danse, n'a jamais sommeil. Il boit, il pose que des bouteilles. Fait qu'en boit tout son oseille tous les samedis. Il savait pas pisser, il est sur la piste. Gauche, gauche, droite, entouré de filles. Il savait pas pisser, il est sur la piste. Quand il danse, danse, danse, c'est un diabolique. Il savait pas pisser, il est sur la piste. Gauche, gauche, droite, entouré de filles. Il savait pas pisser, il est sur la piste. Quand il danse, danse, danse, c'est un diabolique. Il savait pas pisser. Le soir fait défiler les filles. Oh, non, non. Elles aiment tout ce qu'il y a chez lui. Il inspire des cas pas possibles. Elles dansent, dansent, dansent pour lui. Quand il bouge, bouge, bouge comme ça, il m'en sent jamais, jamais s'arrêter. Il danse, il n'a jamais sommeil.